Voici une lecture par Martine du roman de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande. Cinquième partie, chapitre 6. Cependant, les jours passaient. Elle continuait de se mettre en toilette, de prendre un air gai, d'aller sur le port, causer avec les autres. Elle disait que c'était tout naturel, ce retard. Est-ce que cela ne se voyait pas chaque année? Oh, d'abord, de si bons marins et de si bons bateaux. Ensuite, rentrée chez elle, il lui venait le soir de premiers petits frissons d'anxiété et d'angoisse. Est-ce que vraiment c'était possible qu'elle eût peur si tôt? Est-ce qu'il y avait de quoi? Et elle s'effrayait d'avoir déjà peur.